Chapitre 22. Les chapitres précédents suffiront, j'espère, pour répondre victorieusement à une inculpation de Madame de Haucastel, qui n'a pas craint de dénigrer mon premier voyage, sous le prétexte qu'on n'a pas l'occasion d'y faire l'amour. Elle ne pourrait faire ce nouveau voyage le même reproche, et quoique mon aventure avec mon aimable voisine n'ait pas été poussée bien loin, je puis assurer que j'y trouvais plus de satisfaction que dans plus d'une autre circonstance où je m'étais imaginé et très heureux. Faute d'objet de comparaison. Chacun jouit de la vue à sa manière, mais je croirais manquer à ce que je dois à la bienveillance du lecteur si je lui laissais ignorer une découverte qui, plus que tout autre, a contribué jusqu'ici à mon bonheur, à condition toutefois que cela restera entre nous, car il ne s'agit de rien moins que d'une nouvelle méthode de faire l'amour, beaucoup plus avantageuse que la précédente, sans avoir aucun de ses nombreux inconvénients. Cette invention étant spécialement destinée aux personnes qui voudront adopter ma nouvelle manière de voyager, je crois devoir consacrer quelques chapitres à leur instruction.